Exercice 6, page 41. Bonsoir, Mélina. Je réponds aux reproches qui pointent dans ton dernier courriel. J'ai bien droit, moi aussi, à un rêve, non? À une part d'exotisme. Tu as raison. Je cherchais une fille jeune et jolie. Et pourquoi pas une fille des îles? C'est vrai que ça me faisait un peu rêver. Est-ce que c'est grave ?